Avertissement de l'auteur. J'ai écrit cette histoire en l'animant de toutes mes émotions personnelles, excitation, doute, fébrilité, désarroi, euphorie, et j'en passe. Pour votre propre confort, je vous invite à manipuler cet ouvrage avec des gants de liseur. Si malgré vos précautions vous constatez un dysfonctionnement, livre qui pince les doigts, page qui tourne trop vite, etc., je vous invite à consulter le site www.passe-miroir.com.